Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbo Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profitent de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incitent à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbo Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbo-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbo-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Ici Stéphanie Ouellet. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de Savard Perron Ouellet Notaire tient à souhaiter à sa fidèle clientèle un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Nous profitons de ce moment pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez année après année dans des moments marquants de votre vie. Au cours de la nouvelle année, les notaires Cathy Savard, Jonathan Perron et moi-même Stéphanie Ouellet se feront un plaisir de vous accueillir dans leur tout nouveau bureau situé dans les condos de Place du Marché Wahlberg. Joyeuses fêtes à tous! Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbo et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbo et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! On va parler, c'est maintenant le monde du tennis, la revue du monde du tennis. Caroline, habituellement, c'est Caroline Delisle qui est là pour... Mais Caroline se sent pas vraiment à l'aise pour faire ce genre de revue de l'année. Fait que j'ai une très, très bonne personne à relire, peut-être la meilleure avec Hélène Pelletier, c'est Valérie Tétrault. Bon matin, Valérie. Bon matin, Dani. Valérie, si on parlait maintenant, l'année 2017, ça a été quand même une année pour les joueurs de tennis canadiens. Intéressante, on a un nom, c'est Denis Shapovalov. Oui, effectivement. Ben, déjà, l'an passé, à la fin de 2016, on parlait beaucoup de la prochaine génération de joueurs, mais on parlait de trois, surtout en Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Bianca Andreescu. Et là, ben, ça a été un peu la confirmation de tout ça dans le cas des trois, mais il y en a un qui est sorti du lot, et c'est évidemment Denis Shapovalov. Ça fait déjà longtemps là, qu'on savait qu'il y avait du talent. Jusque-là, sa progression se faisait bien, mais c'est devenu spectaculaire, évidemment, après ce qu'il a fait à Montréal. Et il a enchaîné aussi ensuite au US Open. C'est sûr que les gens se souviendront particulièrement de sa victoire contre Rafael Nadal, qui a peut-être été un peu plus marquante que les autres. Mais faut pas oublier que dans ce tournoi-là, il avait d'abord sauvé des balles de match quand même au premier tour. Donc, tout ça ne serait pas arrivé s'il n'avait pas sauvé ses balles de match. Mmh. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, ben, c'est justement sa force mentale. Parce qu'il y avait énormément de pression après sur ses épaules. Il est devenu vraiment une vedette dans le temps de le dire. Tous les gens se sont mis à suivre son parcours. Tous les gens soudainement connaissaient le nom Shapovalov, même si parfois c'est difficile à prononcer. Ouais. Et pourtant, ben, il est allé au US Open quelques jours plus tard. Il a gagné ses trois matchs de qualification. Il a atteint le quatrième tour. Et je pense que c'est vraiment ce tournoi-là, là, en confirmant ce qu'il venait de faire à Montréal, qui nous a démontré qu'il avait tout pour devenir un grand champion. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Dis-moi, pour du côté maintenant de Milos Raonic, par contre, ça a été une année frustrante. Ça a été une année vraiment, là, ce qu'on pourrait dire, il a été blessé beaucoup, il a reculé, il s'approchait mm-hmm. du top 5. Puis là, il a eu beaucoup, beaucoup de blessures en 2017. Normalement, on devrait le revoir en pleine forme en 2018, hein? Ben, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, là, il a pris du temps justement pour pouvoir bon récupérer, s'assurer d'être à 100% lorsqu'il va entamer la prochaine saison. Mais je pense que tu utilises le bon mot en disant que la saison a été frustrante parce que faut pas oublier que lorsque l'année 2016 s'est terminée, Miloš venait d'atteindre quand même sa première finale Grand Chelem du côté de Wimbledon. Et lorsqu'on faisait nos prédictions pour 2017, tout le monde disait, ben, s'il y en a un qui serait capable là, de gagner un premier titre du Grand Chelem, c'est bien Miloš Raonic, tellement il est constant dans ses résultats. Malheureusement, bon, c'est des problèmes de blessures, et ça, c'est pas la première fois non plus que ça arrive, lui, dans sa carrière. Alors, j'ai l'impression que dans son cas, ce sera vraiment d'évaluer et de comprendre un peu mieux comment fonctionne son corps pour pouvoir avoir un calendrier qui fait du sens et qui lui permet de jouer toute l'année, ne pas avoir là, de longues pauses comme ce fut le cas cette année. OK. Dans le cas maintenant de Pospisil, après ça, on va aller à nos Québécois. Pospisil, lui, est-ce qu'on peut parler de qui a régressé? Ben, j'ai l'impression qu'après, lui aussi, la belle histoire qu'il avait connue à Montréal en 2013, nos attentes ont beaucoup monté. Mais je pense pas nécessairement que Vašek Pospisil appartient au top 20 mondial. Alors, c'est peut-être à nous aussi de revoir nos attentes dans son cas. Ça va toujours demeurer un très, très bon joueur. Un joueur qui a définitivement sa place, selon moi, dans le top 75, mais qui parfois manque de confiance. Et qui pourra connaître quelques très bons résultats sur certains tournois, mais au fil du temps, j'ai l'impression justement qu'il va plutôt se maintenir là entre la 50e et la 75e place. OK. Félix Auger-Aliassime. Écoute, si on parle de Shapovalov, c'est tout simplement parce que je pense que Shapovalov a un net plus vieux que Aliassime. Donc, c'est ce qui explique pourquoi Aliassime, dans le fond, il est pas. Il est un petit peu en retard, c'est parce qu'il est un an plus vieux, puis ça paraît, là. Puis il faut faire attention parce que c'est ça. Ça demeure tout à fait spectaculaire, en fait, qu'il a réussi à faire Félix. Puis il l'a fait en manquant aussi une partie de la saison en raison de blessures. Normalement, bon, il aurait dû lui aussi disputer, évidemment, la Coupe Rogers. Il aurait dû disputer aussi les deux Challengers qui avaient lieu au Canada, au Québec, avant la Coupe Rogers. Et ça aurait été pour lui l'opportunité d'aller chercher beaucoup de points. Là où c'est intéressant, c'est lorsqu'on joue peut-être au jeu des comparaisons, même s'il faut toujours être prudent. On a beau parler beaucoup de Denis, mais c'est vrai qu'il est un an plus vieux que Félix. Et si on compare son classement, donc à pareille date, l'an dernier, Denis était 250e au classement de l'ATP, alors que présentement, Félix est 162e. Donc, si on regarde la progression des deux, on pourrait dire que Félix, en fait, est en avance considérant son âge. Et là, il a reçu une belle invitation, évidemment, de Roger Federer pour aller s'entraîner à Dubaï. Je suis persuadée qu'il a profité en masse de cette belle expérience. Et j'ai hâte de voir, là, parce que l'année prochaine, vraiment, il va jouer plus constamment des tournois un peu plus relevés, donc des tournois de l'ATP, pas seulement des Challengers, parce qu'il a démontré déjà à seulement 16 et 17 ans qu'il pouvait gagner des tournois Challengers. Alors, ce sera une année de test pour lui. OK. Puis ça monte vite, là. Ça monte vite, là. Quand tu es rendu dans les 100, dans les 200, là, passer à 100, c'est une bonne performance d'un tournoi, puis ça monte. Là. C'est juste... C'est une bonne... c'est autant, beaucoup facile autant de monter dans ces rangs-là. Exact. Autant que Denis a pu exploser dans un tournoi, ben, la même chose pourrait se produire dans le cas de Félix. OK. Eugénie, c'est Eugénie. Écoute, je pense qu'elle est devenue de plus en plus populaire. Elle est encore très populaire, mais c'est parce qu'elle est jolie. Là. Parce que c'est encore une année décevante pour elle. T'sais, on ne sait pas vraiment. Puis, t'sais, moi, je ne m'attendais pas, pour Félix, j'en avais parlé, je ne m'attendais pas à... Tu sais, à ce que c'est comme 2014, mais au moins, tu sais, qu'elle se rende à qu'elle gagne quelques tournois mineurs, puis qu'elle se rende à la deuxième semaine du tournoi majeur, puis on serait bien content. Mais là, tu sais, tu penses quand même pas jouer pour 500? Si on le... Non, ça a probablement été, en fait, son année la plus décevante, parce qu'après 2014, c'est vrai que 2015, 2016 n'avaient pas été à la hauteur, mais là, on se disait, bon, ben là, elle va repartir. On avait toujours l'impression qu'elle était peut-être à une grosse performance de se relancer. Mmh. Parce qu'après tout, ce qu'elle a fait en 2014, c'est quand même pas le fruit du hasard. Ça arrive pas comme ça par coup de chance. On peut pas faire d'autant de bons résultats et être cinquième mondial. Alors, elle a ce qu'il faut. Mais là, cette année, tu disais, je pense pas qu'elle a joué pour 500. Ben, en fait, ça affiche au final 13 victoires contre 21 défaites. Mmh. Alors, c'est un désastre, en fait, cette fiche. Et la plupart de ces victoires ont été concentrées vraiment sur deux tournois qui ont été des bons tournois pour elle. Il y a eu un tournoi à Sydney au tout début de la saison où elle avait atteint les demi-finales et un tournoi un peu plus tard à Madrid sur la terre battue alors qu'elle avait fait le quatrième tour et elle avait battu Sharapova et, ouais. et Angélique Kerber. Alors là, il va falloir faire attention parce que j'ai parlé de sa demi-finale à Sydney. Ça veut dire qu'elle aura des points à défendre en début d'année. Elle a fait aussi le troisième tour à l'Australian Open. Et si elle ne défend pas ces points-là, ben aussitôt qu'à la fin janvier, Eugénie pourrait se retrouver à l'extérieur du top 100. Ce qui veut dire que normalement, elle devrait de nouveau jouer des tournois Challenger parce qu'elle ne rentrera plus nécessairement dans les gros tournois, à moins évidemment de recevoir des laissés-passer. Alors disons que... Et ça commence à presser là, les résultats. Ah non, c'est vraiment, j'ai hâte que ça débloque dans son cas, puis tu sais que au moins qu'elle soit dans les 25-30 premiers, là, ce serait au moins l'idéal. Il y a un autre aussi qui, problème d'attitude aussi, c'est Françoise Abanda. Le talent est là, mais semble-t-il qu'elle est encore jeune dans son cas aussi. Ouais, ben il y a eu quelques résultats un peu plus encourageants dans son cas cette année, surtout en tournoi du Grand Chelem. Alors que c'est qualifié là et à Roland Garros et à Wimbledon et puis elle a passé un tour. Mais on a toujours l'impression que oui, Françoise ben est capable d'aller encore un peu plus loin. Là où elle est rendue en ce moment, on aurait voulu qu'elle soit rendue là il y a déjà quelques années parce que bon, physiquement, elle était en avance sur les autres et ben c'est vrai qu'on lui a reproché certaines choses. Et vraiment, ben, c'est à elle de décider hein, ce qu'elle veut faire de sa carrière. Alors, si elle décide d'être complètement engagée et disciplinée, je suis persuadée qu'elle peut encore faire de très, très belles choses sur le circuit professionnel de la WTA parce qu'en ce moment, en plus, il y a tellement une belle fenêtre d'opportunité. On l'a vu cette année sur la WTA. Ça jouait un peu à la chaise musicale là, dans le top 20 mondial. Il y avait des nouveaux noms. Et bref, pour n'importe qui a justement le talent d'une Françoise Abanda, ben, c'est sa chance de se faire valoir et de se faire une place vraiment dans l'élite mondiale. OK. Valérie, Bianca Andreescu, c'est probablement sur elle que tous les espoirs du tennis féminin se reposent. C'est une belle progression, une progression normale ou encore beaucoup plus, ça y va plus vite qu'on pensait du côté de Tennis Canada? Non, j'ai l'impression que ça respecte un peu ce à quoi on s'attendait. Je l'ai nommé là en tout début avec Félix et avec Denis. Donc c'est vraiment le trio de joueurs sensationnels. Elle a eu des bonnes victoires. Elle a joué un tout petit peu quand même aussi sur le circuit junior cette année. Alors l'an prochain, là, elle sera à temps plein vraiment chez les professionnels. Elle a bien fait notamment à Washington alors qu'elle avait battu Kristina Mladenovic et qu'elle avait atteint les quarts de finale. Et elle continue de gagner en maturité. Elle travaille très fort à l'entraînement. Alors selon moi, 2018 devrait marquer au moins son entrée dans le top 100 mondial. Okay. Dis-moi, et sur la scène mondiale, ça a été l'année de Nadal, ça a été l'année de Federer. D'ailleurs, Federer, retour de l'année. Ça prouve à quelque part que le tennis finalement, qui était normalement passé 30 ans auparavant, c'était un vieux tennisman, mais là finalement, plus ça va, plus les joueurs jouent vieux, et l'apogée ou encore l'arrivée sur la scène mondiale du côté de l'élite, ça se fait plus tard aussi. C'est ça que ça a prouvé aussi 2017. Oui, c'est une tendance qu'on avait déjà commencé à remarquer là, depuis quelques années, mais ça semble vraiment se confirmer. Moi, j'attribue ça au fait que le tennis est un sport aussi qui est de plus en plus demandant sur le plan physique. Et donc, il faut arriver à une certaine maturité quand même pour être capable de performer, parce qu'on en parle souvent, mais la saison au tennis est extrêmement longue. Il y a seulement le mois de décembre vraiment comme saison morte, puis ça recommence dès la première semaine de janvier. Mais je pense que Federer a trompé un peu tout le monde parce qu'en 2016, il avait raté une longue partie de la saison et même si on souhaitait le voir de retour au sommet de son art, on avait des doutes quand même qu'il puisse encore remporter les tournois du Grand Chelem ou à ce point faire un retour vraiment au sommet. Et pourtant, c'est ce qu'il a réussi à faire. J'ai l'impression qu'il était le premier surpris, moi, lorsqu'il a gagné l'Australian Open. Il ne s'y attendait pas vraiment, surtout qu'il revenait tout juste, là, donc il manquait encore un peu de compétition. Mais je pense qu'il n'y a personne qui va se plaindre. Tout le monde était vraiment heureux de voir le retour de la rivalité entre Nadal et Federer. Bon, à eux deux, ils se sont partagés les tournois du Grand Grand Chelem. Et là, j'ai hâte de voir s'ils vont encore être capables de poursuivre en 2018, parce qu'on sent quand même de plus en plus qu'il y a des jeunes loups aussi qui poussent derrière. On peut penser à Alexander Zverev, on peut penser à Dominic Thiem, Nick Kyrgios, à Denis Shapovalov, évidemment, qui suivra là dans les prochaines années. Et ça fait un peu un choc des générations. OK, OK. 2017 a aussi été l'année de la retraite d'une grande joueuse de tennis qui joue encore en double, Martina Hingis. Oui. Bon, on savait pas nécessairement que c'était dans ses plans là de se retirer. Je pense que les gens apprécient encore énormément pouvoir voir Martina Hingis sur les terrains, même si c'était en double. Les gens qui allaient la voir là aux différents tournois, ben ça leur rappelait aussi les belles années de Martina Hingis. C'était une fille, je peux vous dire, qui était très très appréciée aussi sur le circuit professionnel, autant par les autres joueuses que par les organisateurs, toujours très très poli. Alors ben c'est une championne là, qui sera sur les lignes de côté. Reste à savoir ce qu'elle fera exactement, en espérant que dans les prochaines années, peut-être elle continuera de s'impliquer quand même dans le monde du tennis. On sait que par le passé, elle a déjà aidé, par exemple, une Belinda Bencic, alors peut-être qu'elle sera tentée justement d'être entraîneur. OK. Ce qui me reste deux petites affaires à mentionner, c'est que 2017 a été l'année aussi. J'aime parler des gens qui nous ont quittés. Et il y a une joueuse de tennis, Anna Novotna. Ça, c'est des années 90. C'était avec avec Monica Seles, c'était probablement dans ces années-là une des meilleures joueuses de tennis. Hein. Oui, moi je me rappelle, j'étais pas très vieille à l'époque, mais elle faisait quand même partie des joueuses que j'appréciais beaucoup. Elle était particulièrement bonne sur le gazon. Elle avait un style de jeu qui allait vraiment avec ça. Et c'est triste parce que je me rappelle en fait il y a quelques années à peine, elle était venue au Saguenay, au Challenger. Ah oui? Elle accompagnait une joueuse à l'époque qu'elle coachait. Et puis, elle était toujours tout sourire. Elle nous racontait ses anecdotes. Et à l'époque, j'étais loin de me douter, évidemment, que quelques années plus tard, je pense, ça fait 2-3 ans qu'elle s'éteindrait comme ça. Alors, c'est triste. Elle était encore très jeune, mais les gens s'en souviendront. Même pas 50 ans, hein, je pense 49 ans. Non. Tu sais, 49 ans. Puis il y a une nouvelle qui vient de tomber ce matin, c'est Dick Enberg. Tu connais Valérie, je pense que tu le connais. Dick Enberg, qui était un géant de la télévision américaine, qui est décédé. Oui. Lui a décrit 28 finales de Wimbledon en plus de 10 Super Bowl. Donc ça, c'est une grosse Chose. Oui, c'était La Voix, oui. Ah, La Voix. Donc ça vient de tomber juste ce matin. Donc également, c'est un géant de la télévision américaine. Valérie, simplement, on va faire une pause et je vais te demander qu'est-ce que tu prévois pour 2018. Vous êtes à l'écoute de la revue de l'année dans le monde du tennis sur les ondes de danadosport.com. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel au numéro de téléphone 418-679-9494. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-58. Tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffrance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block. 1670 boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's. 418-276-8025. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Donc, on est de retour à danadosport.com. Valérie, 2018, tu prévois quoi? Pour Shapovalov, doit continuer. Eugénie doit revenir. Raonic, on devrait revenir dans le top 5 à peu près? Ben, je vous donne ça en rafale. Selon moi, Denis, il faut faire attention non plus de pas avoir des attentes trop élevées. Il y aura beaucoup de pression. Alors, si lui peut se maintenir dans le top 50, ce sera déjà un bel exploit. Pour Miloš Raonic, je prédis un retour dans le top 10 mondial, mais je pense que ça va être encore une année très, très intéressante pour le circuit de l'ATP parce que il y a beaucoup de joueurs qui pourraient se faire une place là, dans le top 10 et on risque d'avoir un peu plus de changements que dans les dernières années. Dans le cas d'Eugénie, ben, je continue de souhaiter au moins qu'elle se retrouve aux alentours de la 50e place lorsqu'on fera la revue de l'année 2018. J'y crois peut-être un peu moins que j'y croyais dans les dernières années, un peu comme tout le monde, j'imagine. Mais je continue de dire qu'elle a quand même ce qu'il faut pour avoir sa place justement aux alentours de la 50e place. Et pour Félix, ben ce sera assurément de percer le top 100. Mais selon moi, il peut aller même un petit peu plus loin, peut-être se situer aux alentours de la 85e place. OK. J'ai oublié de te parler de quelque chose qui est arrivé en 2017, la Coupe Lover. C'est un pendant de la Coupe Ryder. Est-ce que ça a été concluant pour la première édition? Est-ce que les gens de l'ATP ont aimé l'expérience? C'est sûr qu'on n'a pas fait ça juste pour un an, mais ça a répondu aux attentes. Ouais, ben les gens de l'ATP n'ont pas nécessairement apprécié parce que c'est indépendant de l'ATP, donc ça rajoute en plus, ça rajoute une autre semaine dans le calendrier des joueurs, un calendrier qui est déjà chargé. Mais oui, ça a été un succès et ça, je pense que tout le monde est unanime là-dessus. On était plusieurs à être un peu sceptiques sur la formule. On se disait bon, ça demeure des matchs d'exhibition, il n'y a pas de points en jeu. Est-ce que les joueurs vont vraiment tout donner? Est-ce qu'ils vont être suffisamment intenses ou est-ce que ça va être un spectacle, mais sans plus. Et finalement, ça a donné quelque chose de franchement bien. Je pense que ça nous a permis surtout d'apprécier un peu plus les personnalités des joueurs parce qu'on les voyait interagir entre eux et juste de voir là, ce fameux match de double avec Federer et Nadal qui faisaient équipe ensemble. Je pense que tout le monde s'est régalé. Okay. Valérie, je te souhaite une bonne année, beaucoup, beaucoup de santé, de bonheur et de prospérité. En 2018 et je m'excuse de t'avoir dérangé pour la période des vacances. Ben, ça n'a pas été un dérangement, ça m'a fait grand plaisir. Joyeuse fête à toi aussi, Dani, et à tous tes autres. On s'en reparle quelque part en 2018 avec Caroline Delisle. Donc voilà, c'est Valérie Tétrault de Tennis. Avec grand plaisir.